Bonjour et bienvenue à cette émission qui vous parlera des littératures de l'imaginaire. Christian Martin au microphone. On entend habituellement par littérature de l'imaginaire la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Aujourd'hui, je vous ferai part des ouvrages qu'ont prévu de nous servir les éditeurs pour mars 2010. Et sans plus attendre, chez Albin Michel Jeunesse, Gris secret de Laurie Faria Stollarz. Inédit en français, il apparut en 2005 en anglais sous le titre Silver is for Secrets. Il s'agit du troisième tome du cycle Bleu Cauchemar. Chez le même éditeur, 13 raisons de Jay Asher. Clay Jensen reçoit 7 cassettes enregistrées par Hannah Baker avant qu'elle ne se suicide. Elle y parle de 13 personnes qui ont, de près ou de loin, influé sur son geste. Et Clay en fait partie. D'abord effrayé, Clay écoute la jeune fille en se promenant au son de sa voix dans la ville endormie. Puis, il découvre une Anna inattendue qui lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, une méchanceté ou un baiser et tout peut basculer. Ce texte apparut en 2007 en anglais sous le titre « 13 Reasons Why ». La Talente sort également 2 inédits en français. « Sinis » de Vincent Gessler et « Don » de Ursula Le Guin. Chez Bellefond sort « Coucou givré » de Nadine Monfils. Au Bélial, on retrouvera « L'essence de l'or » de Ian Banks. Le main du traître de Cindy Mitchell et Redsguard de Richard Williams se retrouvent à la bibliothèque inédite dans les collections Warhammer et Warhammer 40 000. Black Book offre 3 titres de Philippe Tessier. Projet Domination 1 et 2 et Les soldats du crépuscule. Il nous offre également 2 inédits, Crépuscule sans fin de Hank Wound et Le secret d'Anaria de Tim Jones. Chez Black Coat Press, on trouve 2 romans de la collection Rivière Blanche, 2 inédits. D'abord une anthologie, Dimension Mars, et Les vestiges de l'aube de David S. Cara. Manhattan est en proie à une mystérieuse vague de meurtres. Barry Donovan, flic new-yorkais dévoré par le désespoir, mène une difficile enquête. Au détour d'un salon de discussion sur Internet, il fait la connaissance de Werner. Personnage passionnant et hors du temps, il se révèle un ami bien peu commun. Chez Bragelonne, vous pourrez mettre la main sur « Comme par magie », un essai de Terry Brooks, un inédit. « Les crocs du tigre » de Laurent Jeunefort, aussi un inédit. « L'exil » de Fiona McIntosh. « Patient zéro » de Jonathan Mayberry, un inédit. Prince Dragon de Mélanie Round, Rien que l'acier de Richard Morgan, un inédit, et Le tyran de Fiona McIntosh, aussi un inédit. Kalman Levy réédite Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, ainsi qu'un inédit de Frédéric Jacquot. Monstre, une enfance. Avant les mots, le monde était plus simple. Je regrette d'avoir appris à parler. Été 1986. Un soleil de plomb s'abat sur la petite ville de Kromstadt. Comme beaucoup d'enfants de leur âge, les frères B, Thomas et Raymond, trompent leur ennui et leur quotidien en s'inventant des mondes imaginaires dans lesquels, parfois, sont conviés leurs amis. Plus tard, bien plus tard, un vieillard interné dans un hôpital psychiatrique est contraint par sa thérapeute de mettre par écrit ses souvenirs, de se rappeler pourquoi il a commencé à séquestrer, violer, torturer et tuer des femmes, de se rappeler comment il est devenu un monstre. Chez Christian Bourgois sort un inédit que l'on dit de J.R.R. Tolkien, La légende de Sigurd et Gudrun. Critique nous offre La volonté du dragon de Lionel Davoust. Une reine dont les yeux émeraudes lisent l'avenir. du déroulement de leur partie d'échecs, pourrait bien se décider l'issue de la guerre. Entre les derniers royaumes libres et les forces d'invasion de l'Empire d'Asreth, se dresse l'imprenable Khmar, petit pays à peine sorti de l'ère médiévale. Gouverné par un roi trop jeune et un conseiller trop confiant, il ne devrait représenter dans le plan de conquête de l'Empire qu'une note de bas de page. Et alors que le généralissime Deolus Vastet s'emploie à négocier les modalités d'une reddition diplomatique déjà aux portes de la capitale, se dresse l'implacable armada. La conclusion du conflit ne fait aucun doute. D'une manière ou d'une autre, Khmar passera sous pavillon assyrien. Pourtant, malgré la défaite annoncée, Vastet découvre les dirigeants Khmari inflexibles, prêts à confier le destin de leur nation à d'absurdes croyances ancestrales. À travers le défi lancé par l'enfant roi, ce sont toutes les certitudes du généralissime qui vont se voir ébranlées, tandis que, sur la mer, les soldats meurent, simples pions sur un échiquier qui les dépasse. Chez De Noël, on lance encore une chose, de Owen Colfer, sixième volume du cycle Le Guide Galactique, et H2G2, l'intégrale de la trilogie en cinq volumes de Douglas Adams, dans le cycle Le Guide Galactique Omnibus. Le souffle d'Aol, d'Alan Speed, sort chez Emmanuel Guillot, et La Cité des Asphyxiés, de Régis Messac, chez Ex Nihilo. Quant au fleuve noir, il lance Le Dieu noir, de Greg Case, le volume 261 de Perry Rodden, La Lumière de la Raison, et Vegas Mytho, de Christophe Lambert. Chez Gallimard, on lance une série de rééditions dont tout le cycle du Guide du routeur galactique de Douglas Adams, À la pointe de l'épée d'Hélène Kushner, La citadelle de l'autarque de Gene Wolfe, Canaor de Francis Berthelot et Serpentine de Mélanie Fazi. Griffe d'encre fait paraître Blague à part de Don Lorenzi. Top, c'est parti! Je suis un recueil de 16 nouvelles où la réalité est mise à mal, où le futur comme le passé se prennent quelques séries de baffes monumentales. Je voyage dans l'espace sous forme de cube, sous forme de navette déglinguée. J'ai des potes commandos des frontières de l'infini, d'autres qui ont le tentacule facile. J'aime les enfants, j'aime pas les hôpitaux, j'entends des voix, je chante le canto pilote électrique. Quand j'ai créé le monde, j'étais un concept. Quand je l'ai vu disparaître, j'avais des corps aux pieds. Je suis... Blague à part de Don Lorenzi. Bravo, vous avez gagné une trottinette. Un inédit, Lune noire, de Sherilyn Kenyon, sort chez J'ai lu, alors qu'on trouvera au livre de poche une réédition, Eliana, de Pierre Bottero, et un inédit, Jour fatal, de Dean Koontz. Jimmy vient au monde le jour de la mort de son grand-père. Alors que l'orage sévit, le vieux Joseph Tuck se redresse soudain sur le lit et parle d'une manière cohérente pour la première fois depuis son attaque. Il énumère 5 jours noirs dans la vie de son petit-fils. À chaque nouvelle crise qu'il va affronter, Jimmy se rapprochera d'une vérité dont il ne soupçonnait pas l'existence. Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires de Brendan Sanderson paraît chez Mango Jeunesse. C'est un inédit en français. Chez Milady, on trouvera 3 inédits. Confiance aveugle de Jenna Black, Péché cérulien de Laurel K. Hamilton et Pour l'honneur de Camelot de Sarah Zettel, ainsi que plusieurs rééditions dont des Dragonlance et un Mercedes laqué. 2 rééditions chez Mnemos, Hors destin de Michel Robert et le programme double Le sens d'immortalité, Voyage avec les morts de Barbara Hambley. Une réédition chez Les Moutons électriques, Genua Vera de Jean-Philippe Jaworski et un inédit, Le Prince des Ours, de Nicolas Le Breton. Orbite présente L'Empire ultime de Brendan Sanderson, un inédit. Aussi un inédit chez Le Petit Caveau, Les Loups de Kharkov, d'Alexis Laurent. Novembre 1936. À Paris, la police est sur les dents. Les cadavres se succèdent, plus mutilés les uns que les autres. Seul indice, Les victimes sont de jeunes et jolies danseuses de ballet. Est-ce l'œuvre d'un psychopathe? La machination d'une secte satanique? Les inspecteurs Xavier Kerlan et François Hernandez ignorent qu'ils viennent de tirer le fil d'un écheveau sanglant qui les conduira de Paris à New York sur la piste d'un ennemi plus terrifiant encore. Trois rééditions chez Pocket. L'arbre primordial de Donaldson, Belle de mort de Michel Robert et L'enfant du temps signé Asimov et Silverberg. Quant à Pocket Jeunesse, il nous offre quatre inédits. Les Chevaliers de la Neige de Tony Abbott, Dents de sabre de Mark Robson, La fin de Michael Grant et Nuit étoilée de Erin Hunter. Chez Le Prix au Clair, deux inédits. De fièvre et de sang de Sir Cédric et Manuel de sorcière de Céline Silverwind. Le premier va comme suit. Une jeune fille se réveille entièrement nue et entravée sur un matelas couvert de sang dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Elle sait qu'elle va mourir. Toute tentative de fuite semble inutile. La douleur n'est rien en comparaison de la peur panique qui s'est emparée d'elle. Le commandant Vauvert, en compagnie d'une profileuse albinos, Eva, va tenter de remonter la piste d'un tueur en série connu pour vider entièrement ses victimes de leur sang. L'enquête est ouverte. Premier sang de Joe Abercrombie sort chez Pygmalion, alors que chez Robert Laffont, on trouvera le gnome de Michael Corney. Et voilà, j'ai fait le tour. Merci de votre attention. À bientôt.